Les hiboux. Sous les ifs noirs qui les abritent, les hiboux se tiennent rangés, ainsi que des dieux étrangers, dardant leur œil rouge, ils méditent. Sans remuer, ils se tiendront jusqu'à l'heure mélancolique où, poussant le soleil oblique, les ténèbres s'établiront. Leur attitude aux sages enseigne qu'il faut en ce monde qu'ils craignent le tumulte et le mouvement. L'homme ivre du nombre qui passe porte toujours le châtiment d'avoir voulu changer de place.